La parole donnée par Paul Bourget, chapitre 1er. Certains coins de nature, d'une beauté si douce qu'elle en est humaine, si délicate qu'elle en est tendre, semblent avoir été faits comme exprès pour recueillir les grandes douleurs et les envelopper d'une atmosphère d'apaisement. Pour ma part, aucun peut-être ne m'a donné cette impression d'un asile consolateur plus fortement que cette extrémité du lac de Thun où se trouve la vieille ville de ce nom. Que de fois, assis au bord de l'Arre, qui débouche du lac avec un élan déjà si fougueux, j'ai senti un esprit de repos émaner de ce paysage. Là-haut, et par-dessus les contreforts à large cassure des premières Alpes bernoises, la Jungfrau et la Blümlisalp dressent leurs pics éternellement neigeux. Tout près, la rivière, qui a pris au glacier le reflet pair de son eau rapide, court entre les énormes troncs d'arbres séculaires, noyers lustrés, frênes argentées, tilleuls embaumés, dont les branches colossales, courbées en arceaux sous le poids du feuillage, laissent retomber leurs pointes extrêmes vers l'eau murmurante. Un pont de bois ferme l'horizon de l'étroite vallée que surplombe le joli château de Thun. Les toits en étaient noirs de ces quatre sveltes tourelles, sont revêtus de tuiles brunes, dont la nuance s'harmonise avec la couleur des madriers de ce pont couvert. Un clocher voisin, celui de la petite église de Scherzlingen, ennoblit de piété la rive verdoyante d'où se détachent des îles. Sur l'une d'elles, une maison basse apparaît. Son balcon vitré touche presque à la pointe d'un immense massif de roseaux où glissent des cygnes. C'est là que vécut le poète allemand Henri de Kleist, charmé sans doute par les aspects intimes tout ensemble et grandioses de cette approche de l'Oberland. Le voyageur qui traverse cette contrée pour aller à Interlaken n'échappe pas à son prestige. Pour peu qu'il ait suivi le long de l'Arre la divine promenade de la Wöschimat, il a certainement rêvé, s'il est jeune, de venir cacher ici ses bonheurs, y ensevelir ses peines. S'il a passé l'âge des douces et tristes chimères, il aura éprouvé, parmi ces vénérables arbres, devant cette onde emportée comme la vie et d'une fuite si rapide, cette nostalgie du recueillement à la veille du grand départ que nos pères exprimaient de ce mot si sage, la retraite. Nous apprenions au collège les célèbres vers « Tircis, il faut songer à faire la retraite ». Nous les trouvions naïfs alors. La lassitude de la vie nous a révélé leur profondeur. Ils nous reviennent parmi des horizons tels que celui-ci. Nous concevons, en les contemplant, la mélancolique volupté de finir, de nous renoncer à jamais, de sentir notre personne se dissoudre dans la sérénité des choses, entre ces pentes boisées, ces eaux dormantes ou courantes, ces hautes montagnes, cette grise et brune petite ville où les morts d'il y a 500 ans reconnaîtraient encore, s'ils pouvaient se dresser hors de leur tombe, les terrasses de leur Schlossberg, celles de leur grande rue, et là-bas, au bord du ciel, la ligne de leur glacier, teintée de rose au soleil couchant. C'était ces douceurs caressantes, ce repos en dormeur autour d'une blessure trop saignante, qu'était venue chercher l'été dernier, au bord du lac de Thun, une de nos compatriotes dont le nom eut, pendant quelques semaines, la triste célébrité du malheur. Elle s'efface comme les autres. Bien peu de gens se rappelleront, en lisant le nom de Madame de Besset, le drame affreux qui l'a rendue veuve. Il se rattache aux premiers incidents de la Révolution russe. Le commandant de Besset venait de quitter l'armée il y a 2 ans. Il se trouvait à Moscou, par suite d'un singulier hasard, celui d'un héritage considérable à recueillir. Son arrière-grand-père avait, pendant l'émigration, épousé une princesse Verekiev, et les Besset, n'ayant jamais cessé de cousiner avec leurs parents des rives de la Neva, un de ceux-ci, vieux garçon sans enfant, avait, par testament, laissé sa fortune à l'officier français. Le commandant avait jugé plus sage de régler sur place cette succession un peu compliquée. Il était à Moscou depuis 6 jours et dînait au club. Sa table était voisine de celle du comte Serge Komov, l'homme d'État le plus impopulaire de cette époque, un de ces martyrs de l'autorité auxquels l'ingratitude du peuple qu'ils ont essayé de sauver n'accordera jamais les couronnes que sa sottise prodigue aux imposteurs ou aux insensés qui le perdent. Une bombe, jetée par un assassin demeuré introuvable, éclate dans ce paisible salon de cercle. Komov est tué, et avec lui 6 des convives, dont Besset. Une circonstance particulièrement sinistre avait augmenté pour la veuve l'horreur de cette catastrophe. Elle faisait, au même moment, une tournée de visite avec son fils unique, chez d'autres cousins, français ceux-là, dans le Bourbonnais. Elle avait appris la terrible nouvelle par un journal acheté à l'étalage d'une gare. La secousse avait été si forte qu'après 18 mois, elle était encore la victime de phénomènes nerveux d'un caractère assez prononcé pour avoir résisté à tous les traitements. Sur le conseil d'une amie, et poussée aussi par l'inquiétude naturelle aux malades de cette espèce qui les fait essayer sans cesse de nouveaux régimes, elle était venue consulter un des plus célèbres neurologues d'Europe, le professeur D. à Berne. Le médecin lui avait prescrit une cure de demi-solitude et de campagne. C'est ainsi qu'ayant visité Thun, elle avait décidé de s'y établir pour plusieurs mois. Une maison s'était trouvée libre, qui remplissait les conditions requises et dont le pittoresque l'avait séduite aussitôt. Elle s'y était installée avec son fils, et quelques semaines avaient suffi pour que l'influence émanée de cette tranquille et sauvage nature commençât de calmer un peu cet organisme dévoré par les chagrins, ravagé d'insomnie et de cauchemars, chez lequel l'idée fixe exerçait le ravage d'un véritable empoisonnement. Cette demeure, située sur l'étroite presqu'île qui sépare le fond du lac et la sortie de l'Aar, s'appelait, et s'appelle encore, le château Stockhorn, à cause de l'Alpe de ce nom qui le surplombe. La maison a été construite au milieu du siècle dernier pour servir d'habitation de vacances à une famille de Lausanne, moins fortunée aujourd'hui, et qui a pris le parti de la louer après l'avoir laissée longtemps inoccupée. Ce demi-abandon a permis une extraordinaire et libre poussée de tous les végétaux plantés dans le vaste parc, si bien que la bâtisse, déjà revêtue de lierre, disparaît littéralement derrière des rideaux d'arbres énormes. Une marge de fleurs très simple, des roses trémières, des soleils, des dahlias, est le seul luxe de jardinage qu'entretienne le gardien. Ces plantes égayent de leurs couleurs vives le parapet qui longe la rivière. Leurs bouquets brillants attirent les regards des passagers du bateau qui fait le service entre Thun, Oberhofen, Spitz, Saint-Beatenberg. L'été dernier, ceux à qui l'on avait raconté la tragique aventure de Madame de Besset usaient en vain leurs yeux à percer la barrière d'opulentes frondaisons à l'abri desquelles se dissimule la silhouette du château, rendue si élégante par la longueur de ses toits d'ardoise en poivrière. Cette particularité dénonce l'abondance des neiges qui, dès novembre, s'épaississent sur cette frontière de l'Oberland. D'ailleurs, quand bien même les gigantesques ramures se fussent écartées devant la curiosité des touristes, qu'auraient vu ceux-ci ? Des chemins à peine tracés entre des massifs ou sur des pelouses, et, à de certaines heures du jour, les lentes allées et venues, sur ce sol rarement ratissé, d'une femme de 45 ans, en grand deuil, accompagnée tantôt d'un domestique, tantôt d'un jeune homme. Les médecins s'étaient tous accordés sur ce point. Elle ne devait jamais rester seule. Il y a dans de telles prescriptions la trace d'un diagnostic trop menaçant pour que leur gravité échappe même aux indifférents. À plus forte raison, la sollicitude d'un fils ne saurait-elle s'y tromper. Cette calme maison et ce parc silencieux cachaient un drame moral aussi pathétique dans sa durée monotone qu'avait pu l'être dans sa foudroyante rapidité celui où l'officier avait trouvé la mort. L'angoisse d'un enfant de 17 ans, mûri avant l'âge par le chagrin et la responsabilité, anxieux des moindres gestes, des moindres regards, des moindres impressions d'une mère, dont il s'est constitué le garde-malade, et il sait qu'à chaque seconde, un funeste projet peut surgir dans cette pensée à peine convalescente, un autre malheur se produire, plus irréparable que l'autre. Pour qu'une crise sentimentale de cet ordre éclate et dure dans un jeune cœur, les événements ne suffisent pas. Il y faut la qualité de ce cœur. Tout petit, François de Besset avait été un de ces garçons, chez qui l'application à leurs devoirs, l'ordre dans leurs habitudes, la propreté dans leurs vêtements, la mesure dans leurs jeux, révèlent une discipline innée et aussi ce besoin d'une harmonie avec le milieu, le plus sûr indice d'une sensibilité très profonde. À l'époque de l'adolescence, la révolte, c'est-à-dire le désaccord entre nous et notre entourage, traduit, 9 fois sur 10, l'égoïsme foncier, l'orgueil dominateur, toutes les chances, pour l'avenir, de la sécheresse et de la dureté. L'enfant consciencieux jusqu'au scrupule, et qui ne discute pas les siens, est presque toujours très tendre. Il sera un homme très aimant. François avait idolâtré son père et sa mère, qui avaient d'ailleurs épargné à leur fils unique la cruelle épreuve de l'éducation en commun. Sa famille avait été son seul horizon. La tragédie de Moscou avait donc eu sur lui un retentissement non moins grand que sur sa mère. ses nerfs n'avaient pas été ébranlés d'une secousse moins forte, et le résultat n'était pas moins morbide. L'état de santé de Madame de Besset était devenu pour le fils, comme la mort du commandant pour la veuve, une obsession très voisine de la manie. Mais François était encore à l'âge des forces intactes. Il avait pu s'organiser autour de cette anxiété une existence suffisamment active pour y trouver de quoi résister à l'envahissement de l'idée fixe. Il avait de lui-même continué ses études et passé avec succès le premier de ses deux baccalauréats. Son séjour en Suisse n'avait pas interrompu son travail. 4 fois par semaine, il allait à Berne par le train qui part vers le milieu du jour et revient à la fin de l'après-midi prendre des leçons chez un professeur de l'université. Cette patiente préparation à ses examens se confondait dans les naïvetés de sa ferveur avec son culte pour sa mère. Il avait résolu de faire sa médecine afin de ne jamais la quitter et de la guérir si elle devenait plus malade. Tel était le roman dont ce jeune homme blond, aux yeux clairs et bleus comme des yeux de jeune fille, promenait le rêve sous les tilleuls embaumés du parc de Stockhorn. Il se voyait dans un hôpital, sur les bancs d'un cours de la faculté, apprenant une science qu'il consacrerait à la femme prématurément vieillie, dont il surveillait dès maintenant les gestes avec le regard d'un clinicien. Les bateliers de l'art, qui le connaissaient tous et qui le saluaient quand il passait, se rendant d'un pas rapide à la station de Scherzlingen, l'appelaient dans leur dialecte suisse « Der Jung Doktor », le jeune docteur. Il ne savait pas si bien dire. Il était occupé à se demander, tout en marchant sur le quai de la petite gare, « Comment la trouverai-je à mon retour? Je n'aurais peut-être pas dû m'en aller. Elle était plus pâle ce matin. Ou bien encore, ne me trompais-je pas? Elle va mieux. Elle a causé presque gaiement. Mon Dieu, si elle pouvait redevenir ce qu'elle était avant cet horrible jour !» Alors, une autre vision s'évoquait qui le forçait de baisser ses paupières, pour essayer de la chasser. Celle de son père assassiné dans des conditions où la brutalité du hasard prenait un caractère plus cruel par son absurdité même. Le commandant de Besset avait parlé au comte Komov, pour la première fois, dans ce salon de club, un quart d'heure avant le dîner, et dans le cœur du fils de l'officier, une haine s'éveillait, si violente, que durant ses voyages à Berne, s'il lui arrivait de se trouver en face d'un étudiant ou d'une étudiante russe, ils abondent dans cette université, il lui fallait changer de compartiment. Il se disait avec remords, car sa rencontre précoce avec une si tragique surprise du sort n'avait pas atteint en lui la foi religieuse. Et l'Évangile ordonne de pardonner à ses ennemis. Moi, je ne pourrai jamais.